L'eau molle avance comme une morte, croisant les prés, les murs de pierre noire. Elle ne chante plus, elle bougonne. Le ciel avec elle n'a plus rien à voir. Pure nacrée de poisson pourriture, une odeur de crevé vous prend jusqu'à la moelle. À la contempler, on la sent sans nature. C'est un chiotte public et non plus une étoile. Pour de l'argent, les fleuves meurent. Y a plus de vagues, y a plus de barques sur lesquelles tranquilles se berçaient des pêcheurs. Y a plus que la merde que les gens jettent en vrac. Et moi, je chiale comme un pauvre type sur ce corps décomposé que l'on ne connaît plus. Je chiale comme un enfant seul devant un public qui rit de me voir triste et qui se trouve beau. Y a plus de mer, y a plus de lac, y a plus de choses à contempler. Y a plus que les gens et leurs grimaces. Y a plus de poètes pour rêver. Y a plus de mer, y a plus de lac, y a plus de choses à contempler. Y a plus que les gens et leurs grimaces. Y a plus de poètes pour rêver. Y a plus de mer, y a plus de lac, y a plus de choses à contempler. Plus de poètes